De moi. Ni mon cri ni ma fièvre ne sont de moi. Désintégration de mes forces secondes. De ces éléments. Dissimulés de la pensée et de l'âme. Ces éléments dissimulés de la pensée et de l'âme. Ces éléments dissimulés de la pensée et de l'âme. Et de l'âme. Et de l'âme. Concevez-vous seulement leur constance. Ce nœud de la vie. Ce nœud de la vie. Ce nœud. De la pensée s'accroche. Un nœud d'asphyxie centrale. Un nœud d'asphyxie centrale. Un nœud d'asphyxie centrale.